En espagnol, il y a trois types de verbes que je classe en deux grandes catégories. Soit un verbe fini en ar, A-R, ça c'est notre première catégorie de verbes, soit il ne finit pas en ar, c'est l'autre catégorie, qui comprend les verbes en er, E-R, et ir, I-R. Au présent, quel que soit le verbe, on accentue l'avant-dernière syllabe. C'est-à-dire qu'on insiste à l'oral sur cette avant-dernière syllabe, puis on relâche sur la terminaison. Donc, avec le « je », on relâche sur « o ». Alors, si « comprender » c'est « comprendre », comment dit-on « je comprends » ? Comprendo. Comprendo, c'est ça. On insiste sur l'avant-dernière syllabe. Comprenne, hein, comprenne, puis on relâche sur le O, comprendo. Il existe un autre verbe pour dire comprendre en espagnol, c'est entender, entender, qui ne veut pas dire entendre, mais comprendre. Alors, si on emploie entender, je le comprends, se dit lo entendo. Normalement, si vous insistez sur le « e » de l'avant-dernière syllabe, oui. Si vous accentuez le « e », c'est un peu comme si vous vous appuyez dessus. Hein? Il va finir par céder sous la pression. Il se scinde en deux et devient « ie ». « I » et ». Donc, ça donne « lo entiendo ». C'est ça, « lo entiendo ». Je le comprends. Dans le cas de comprender, le E est comme coincé, hein, compris en étau entre le MPR et ND, ce qui fait qu'il est maintenu et ne se scinde pas en IE. Donc, ce n'est pas comprendo, mais comprendo pour je comprends. Et comprende pour vous, hein, usted, comprenez. Comprende. Ou, si vous employez entender, entiende. Entiende. Alors, comment direz-vous « est-ce que vous me comprenez ?» Me entiende. D'accord. Me entiende. Ça, c'est si vous posez la question à usted. C'est-à-dire, si vous vous voyez votre interlocuteur. Mais, si vous le tutoyez, ça sera « Est-ce que tu me comprends ?» qui se dit « Me entiendes ?» Bien, « me entiendes ?» Et si vous posez la question à « ustedes », c'est-à-dire plusieurs personnes que vous voyez, « Est-ce que vous me comprenez ?»« Me entienden ?» C'est ça, « me entienden ?» Et ils ne me comprennent pas. No me entienden. D'accord. No me entienden.